Après 5 ans à aider les jeunes victimes de crimes sexuels ou de crimes de toutes sortes, Canac, le chien de soutien émotionnel du service de police de Sherbrooke, part à la retraite. Évaluation qui a été menée par Mira, qui a conclu que l'heure était au repos pour lui. Nicolas Saint-Pierre est le directeur général de la Fondation Mira. On va parler un petit peu de la suite, justement, et comment on est arrivé à ce genre de constat. Bonjour, Nicolas Saint-Pierre. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Et de votre côté, pour Canac, cette évaluation, comment on procède dans un pour évaluer qu'un chien comme lui a donné ce qu'il avait à donner? Premièrement, les gens qui intervenaient avec lui trouvaient qu'il était plus super adéquat. Il avait de la difficulté à être... Il est comme un petit gars à l'école qui était tanné là, d'être là, là. Il avait de la misère à se motiver, à aller travailler. Il avait toujours la mine basse, la queue basse. Pas vraiment de mine dans le crayon. Fait que, à un moment donné, il faisait plus le travail. Tu sais, les enquêteurs voyaient bien que ça, il tentait plus d'aller se faire flatter. Il était plus content de voir les gens. Fait qu'à un moment donné, ça, c'est des signes qui sont clairs et nets que le travail qu'il avait à faire, ce chien-là, autant que ça a l'air complètement anodin de juste se faire flatter puis de se faire caresser, mais c'est à journée longue avec différentes personnes, se faire trimballer, des horaires qui sont un peu désordonnés, ça fait que le chien, à un moment donné, il vient qu'il n'a plus envie de faire ça puis il a le goût d'avoir la paix. Ben, pour vous, M. Saint-Pierre, qui connaissez ça, les chiens, les chiens de travail, des chiens qui font un boulot comme des chiens guides, les chiens de soutien émotionnel, même si c'était votre premier, est-ce que c'est pas une surprise totalement pour vous là, que ça arrive à un certain moment? Pas vraiment, parce que c'est une formule qui est quand même particulière, là, puis... Écoute, on a placé des chiens dans des centres de réadaptation avec une formule qui ressemblait à ça, avec un travail qui se ressemble, mais ça reste quand même que la formule est compliquée pour les chiens quand même. Même s'il y a l'enquêteur qui reste avec le chien, qui l'amène à la maison, puis que le chien a une vie relativement normale de famille, ça reste quand même que le chien, après ça, il se fait trimballer par différentes situations, dans différentes intensités, parce qu'il rentre dans des moments de crise, puis je veux dire, là, ça reste quand même que ça reste quand même qu'il y a de l'énergie qui se passe là-dedans. Mm-hmm. Puis c'est sûr que les chiens sont affectés par ça. Ça, c'est évident. Donc, quand on voit ça, puis la routine, puis que c'est 7 jours par semaine, parce que des fois, les chiens, bon, il y a l'enquêteur principal qui garde le chien, mais après ça, il y a des moments où ces enquêteurs-là, ils prenaient des pauses, mais il y a un enquêteur backup qui prenait le chien puis qui continuait à travailler avec. Fait que le chien, lui, travaillait tout le temps. OK. Ça reste quand même que c'est ardu. Ça a l'air facile parce que c'est un chien qui s'en va dans une salle, il se couche, il va voir la victime, il se couche là, il se laisse flatter. À un moment donné, c'est plus le relationnel, il se fait, ça brasse beaucoup. C'est pas la même chose que, disons, un chien guide ou un chien d'assistance qui est avec son compatriote, puis c'est le même qui le nourrit, qui le sort le matin, qui dort avec lui le soir, qui marche, qui l'amène dans une... qui a un genre de partage. C'est pas tout à fait la même dynamique. Fait que moi, on apprend là-dedans. On a vu... Oui. Ça prend un type de chien particulier. Ça prend un chien qui était extrêmement comme, bon, amoureux des humains plus, évidemment. Mais un chien qui est super calme, qui n'est pas intimidé par bon des excès de comportement ou juste être calme puis être juste comme sécurisant puis pas menaçant pour personne. Donc, ça prend un chien particulier. Fait que Canac, on ne savait pas. Là, on a vu ça. Puis quand on a commencé à avoir des appels, des enquêteurs qui trouvaient que le chien il était moins efficace, moins de pète dans le travail... nous, on a dit, mais écoutez, on va l'amener à la fondation, on va le regarder, puis on a tout de suite constaté ça. Ça a été unanime avec tous les instructeurs ici, on l'a vu, puis c'était innocé. Bon, vous comprenez, vous apprenez aussi au travers de tout ça. Le parallèle, c'est drôle que je serais tenté à faire, puis vous me direz si je suis erreur, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme quelqu'un qui travaille sur appel 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À un moment donné aussi, vient la lassitude, c'est correct, là, mais si on est chez nous à tout bout de champ puis on est en train de dormir et on se fait toujours appeler pour aller travailler, il se peut que nous aussi, on se tanne puis notre énergie soit absolument moins. Est-ce que vous voyez peut-être, parce qu'il y a eu d'autres chiens qui sont apparus, la Sûreté du Québec en a, il y en a dans différents également, la DPJ en a certains, vous avez développé ce créneau-là, est-ce que vous voyez un peu les mêmes signaux apparaître chez les les plus anciens du réseau des chiens comme lui, là? Ben, en fait, Canac, c'était mon plus vieux. Fait que, ouais. Fait que là, lui, il vient de nous montrer des signes. Donc, c'est sûr et certain que on a appris aussi dans ce travail-là, parce que bon, quand Canac est parti travailler, on a été obligé de s'ajuster aussi par rapport à, tu sais, Canac a fait beaucoup de médias au début, il était très connu. Le fait qu'on parle de lui en ce moment à radio, c'est quand même, tu sais, il y a quand même eu un aura parce que c'était le premier chien de ce type-là avec la police de Sherbrooke. Ça existait aux États-Unis, mais c'était vraiment le premier au Québec puis dans l'Est du Canada. Donc, c'est un projet qui était innovateur. Donc là, ce qu'on voit, c'est que quand je parle avec la Sûreté du Québec, on parle avec eux, on dit aussitôt que vous voyez des signes comme ça, il faut vous donner des breaks aux chiens. Je pense pas que Canac, pour de vrai, il a été comme surutilisé ou tout ça. Je pense que il y a eu de la très belle bienveillance sur ce chien-là, au niveau de son travail, le ratio travail, congé, puis tout ça. Je pense que on tombe dans le ratio où est-ce que c'est une personnalité de chien. Chaque chien a comme quand même sa personnalité, puis lui, bon ben lui, il en a eu un roll-ball, d'après moi, un petit peu plus vite que la moyenne. Fait que on le regarde comme ça. Je pense pas que c'est une exception, mais il faut quand même prendre vraiment en compte le fait que la nature de ce travail-là, il est exigeant, il est complètement différent de qu'est-ce que nous, on est habitué de faire à la Fondation Mira, c'est-à-dire de donner des chiens guides à une personne spécifique, puis que ça devient un binôme, puis une fusion exceptionnelle. Donc ça, c'est vraiment une autre sorte de dynamique. Il faut être très, très, très à l'affût de comment va le chien, son moral, est-il correct, il a son temps de congé, puis tout ça. Est-ce qu'à la limite, on pourrait même, M. Saint-Pierre, ce sera ma dernière question, suggérer, par exemple, qu'on va voir le tempérament d'un chien proprement dit lorsqu'on va le lancer en disant ben, peut-être limiter les présences, par exemple, que l'on considère, je vais mettre ça en parenthèse parce que je sais que ça a été fait de bonne foi, là, inutile. Parce que si on se promenait à Sherbrooke, on l'a croisé, Canac, à plusieurs occasions, dans des magasins, dans des événements, pour le faire connaître aussi. C'était de bonne foi, là. Mais est-ce que c'est le genre de choses qu'on va mettre maintenant en garde en disant, ben regardez, limitez-le pour les sorties de ce qu'il y a à faire, puis comme ça sera mieux pour lui aussi à la fois? Bon, définitivement. Le chien, il a vraiment... Il a vraiment fait un travail. Encore une fois, tu sais, ça a été. Il a pavé une voie pour les autres chiens puis les autres gens avec qui les gens vont travailler avec ce type de chien-là. Donc, c'est important que ce type de travail-là soit comme quand même que le grand public soit au courant. Maintenant, ça a été fait. Mais c'est une des premières choses avec qui je parle avec quand les gens viennent se chercher un chien chez nous, c'est la première chose. Je veux que le chien soit complètement dédié au travail, que c'est pas une histoire de médias ou de faire connaître. Je pense qu'on est rendu ailleurs. Je pense que les enquêteurs n'ont pas besoin de faire ça. Puis maintenant, pour de vrai, c'est tout pour les victimes. Tu sais, j'ai parlé avec le responsable de la police de Sherbrooke la semaine passée, puis quand on a décidé de mettre Canac à l'arrêt, c'est tout de suite, bon, mais là, on a comme un line-up de victimes. On a besoin d'un chien, puis on est tombé en urgence parce qu'on voit vraiment le bien que ces chiens-là font donc il faut vraiment être proactif. Est-ce qu'il y en a un autre qui s'en vient? Oui, il y en a un autre qui s'en vient. On est en train de regarder justement ça va être qui le candidat, puis on est déjà parti sur le projet. Et ça pourrait être quand, à partir de quel moment il va intégrer le SPS? Je pense que ça va être quelque part cet été, je pense au mois d'août. Okay. On regarde ça pour le mois d'août, mais ça, c'est en développement encore parce que ça dépend des chiens qui sont en place puis le match et tout ça. Là. Nicolas Saint-Pierre, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, puis bonne chance. Puis ça a fait du bien à des. On parle de plusieurs centaines de personnes qui ont eu affaire, et surtout des jeunes. Merci beaucoup. Ouais, puis gros merci à toute la communauté de Sherbrooke de nous avoir supportés là-dedans. C'est un projet innovateur, puis vous étiez là pour y croire, fait que ça marche, fait que c'est merveilleux. Merci, M. Saint-Pierre. Merci, bonne journée. Au revoir. Je ne peux m'empêcher de saluer Mélanie Bédard, qui était l'instigatrice du projet et qui est maintenant... C'est elle qui a Canac maintenant, c'est elle qui l'a repris chez elle, qui n'est plus avec la police de Sherbrooke, mais qui est celle qui a eu l'idée, qui l'a amenée, qui a poussé également ses patrons à embarquer dans le projet. Mais surtout, je vous dirais, et c'est curieux parce que je suis allé voir les médias sociaux de Canac, où il y avait des publications par-dessus publications, les gens le suivaient, des commentaires, etc. C'est tombé un petit peu à néant, mais ça, c'était beaucoup le travail de Mélanie Bédard derrière, donc salutations au passage.